Des battements de cœur impliquent des battements d'ailes. Je vis donc j'ai la force de rire, rien ne m'effraie. Je n'ai pas de rancœur, même si je n'ai pas demandé à vivre en enfer et souffrir parmi vous mes frères. Je me fie à mon cœur puisque je n'ai pas de modèle, si ce n'est ma mère, mon père, ceux qui m'ont élevé dans tous les sens du terme et ce sans douter qu'un jour je deviendrai ce que je suis devenu. Mon sourire s'élargira quand l'espoir sera revenu. J'aimerais devenir populaire pour accroître mes revenus. La musique est un délire pour toi, une passion pour moi. Elle me délivre pourtant, je me demande pourquoi. Je me sens si prisonnier, étant à l'air libre. Preuve que t'es bien enfermé, même si t'as l'air de vivre en toute liberté. Petit, ce n'est qu'une illusion. T'es endurci par la dureté de la vie, mais elle flingue à l'usure. Et qui sur cette terre est capable de me donner la définition du respect ou celle de la liberté? Des questions à se poser, c'est ce que la vie nous impose. Je déballe des idées qui me passent par la tête. Je laisse le stylo se vider, je me casse pas la tête. Je dors au-dessus du monde comme dans un lit superposé. Je suis superposé, enfin reposé. Étendu, je déstresse pendant un très court moment. Puisque j'ai les nerfs à vif, ma tête est sur le point d'exploser. Moi, la prendre du recul sur les choses étonnamment. J'ai beau me dire qu'on mourra tous, je ne m'y fais pas. Mais je m'appliquerai pour réussir, ne serait-ce que pour maman. Juste les mots qui me viennent, écriture spontanée. Sur le moment, plus de thème. Coupure momentanée. Voilà ce qu'il ressort d'une inspiration passagère. Je t'emmène en voyage dans ma tête, bienvenue aux passagers. Juste les mots qui me viennent, sans trop réfléchir, sans trop me faire chier, même si les textes vachèrent. Et je m'applique quand j'écris, puisque je ne pense pas en rime. Moi tu ressens le vide, car dans ma vie je ne danse pas en riant. Et le temps passe à une vitesse surprenante. On a du mal à suivre le mouvement, tu m'offres des secondes, je suis prenant. Si les jours sont courts, quand t'as besoin de soleil. Les nuits, elles sont courtes, quand t'as besoin de sommeil. Puisque la vie fait son possible pour que tu n'aies pas ce que tu veux. Même si ce que tu veux n'est pas toujours ce qu'il te faut. Mais comme ta femme, ta vie, tu l'acceptes avec ses défauts. Les hommes ont perdu la raison, il paraît que c'est des fous. Et quand la planète nous attaque, au fond peut-être qu'elle se défend. Peut-être qu'elle se défonce pour survivre quand on la blesse. L'abîme dans lequel on se perd devient un abysse. Plus on évolue sur terre, plus on abuse. Moins t'en as, mieux tu te portes. Puisque quand t'en as plus, t'en veux toujours plus et encore plus. Jusqu'à ce que t'en puisses plus ou que tu t'épuises. Et dans tes réserves d'énergie tu puises. Puis tu perds tes valeurs en passant, t'es comme les autres gens. Tu cours après l'argent, ne trouvant jamais ça lassant. C'est la seule chose en jeu puisque l'honneur est absent. Au rendez-vous des choses qu'on a peur de perdre. On s'adapte à ce monde, un monde de merde. Mais que faire d'autre, forcé de vendre nos rêves à cette société pourrie qui détruit nos valeurs. Puisque le sommet de la fortune, faut que t'y arrives à l'heure. Juste les mots qui me viennent, écriture spontanée. Sur le moment, plus de thème, coupure momentanée. Voilà ce qu'il ressort d'une inspiration passagère. Je t'emmène en voyage dans ma tête, bienvenue aux passagers. Juste les mots qui me viennent, sans trop réfléchir, sans trop me faire chier, même si les textes valent cher. Et je m'applique quand j'écris, puisque je ne pense pas en rime. Moi tu ressens le vide, car dans ma vie je ne danse pas en riant.